Jouer un rôle, est-ce se dissoudre dans ses personnages ou devenir un peu plus soi-même à chaque fois? La rencontre entre Isabelle Huppert et Claude Chabrol aura donné naissance à 7 films, de Violette Nozière en 1978 jusqu'à L'ivresse du pouvoir, sorti en 2006. 7 films dans lesquels le personnage féminin joué par Isabelle Huppert va à la fois se répéter et évoluer. Femme condamnée à mort, femme empoisonneuse puis empoisonnée, femme insatisfaite et mélancolique, en quête d'un ailleurs, femme meurtrière et femme de pouvoir qui survit, joue et s'impose. Elle m'est indispensable pour exprimer certains personnages féminins que j'ai en tête, disait Chabrol. Mais comment un réalisateur peut-il se reconnaître dans ce que l'actrice exprime? Si elle joue des rôles et que lui crée des personnages, qui parle à qui et où se passe la création? Isabelle Huppert est notre invitée ce matin pour ce 3e temps de notre série sur le cinéma de Claude Chabrol. Moi, je commence à m'apercevoir que Isabelle, qui est une finaude, est en train de fabriquer son œuvre à part à l'intérieur de l'œuvre des autres. Mais moi, je voudrais surtout faire du cinéma. Pas toi ? Elle fabrique un personnage qui est à la fois elle et pas elle, des personnages complètement différents, qui sont comme des variantes d'une glaise centrale, comme ça, qui prend toutes les formes possibles et imaginables, et qui est elle. Je rêvais quelqu'un que je connais pas. Je crois que c'est le rêve des comédiens, et j'ai l'impression qu'elle commence à y arriver, qu'elle y arrive. Quelqu'un qui ressemble à personne. Je voudrais qu'on parle avec des mots qui me fassent rêver. Pour moi, de faire le film, c'était le point numéro un. Si Isabelle Huppert va accepter. Vous voulez que je sois plus douce, hein? Que je ressemble à ma mère? On sait d'où on parle. C'est-à-dire que quand vous allez vers l'acteur, elle connaît, par exemple Isabelle, elle sait d'où je parle. J'ai une vraie puissance dans ma tête. Ah, mais je suis très amoureux d'Isabelle Huppert. Moi, à la place d'aimer, je dis je t'aime. Et on croit. C'est un peu comme un frère et une sœur plus ou moins incestueux, je dirais. Voilà. Coupé. Très bien. Ça va très bien. Bonjour Isabelle Huppert. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On ne se voit pas, mais on pourra se parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec Claude Chabrol lorsqu'il dit que, puisque vous êtes une finaude, vous êtes en train de faire une œuvre à part dans l'œuvre des autres? Oui, j'aime bien qu'il dise que je suis une finaude. Déjà, ça lui ressemble tellement de dire ça. Je suis émue aussi en écoutant sa voix. Et oui, je suis complètement d'accord avec lui. D'autant plus d'accord que c'est lui un des premiers qui m'en a donné la possibilité aussi de creuser ce territoire intime, personnel, à l'intérieur du sien propre. Ça veut dire qu'un réalisateur peut donner à un acteur ou une actrice la possibilité de créer sa propre œuvre et pas simplement de jouer dans son film? C'est un double mouvement, c'est à la fois le réalisateur qui lui en donne la possibilité, mais c'est l'actrice aussi qui sait en saisir la liberté. Alors évidemment, il faut que cette liberté soit adoubée par le metteur en scène en question, mais il y a une réciprocité dans ce mouvement. L'acteur doit s'offrir cette liberté, bien sûr, et ce pouvoir aussi. Vous disiez, ouais, lors des premiers tournages avec Claude Chabrol, que ce que vous aimiez par-dessus tout, c'est qu'il ne vous parlait presque pas. Pourquoi est-ce que c'est agréable? C'est une marque de confiance. Et puis, c'est un système, une fois qu'il est mis en place, c'est difficile d'y échapper. Parce que dans ce silence, je trouvais, non pas un désintérêt, mais une forme d'assentiment permanent. De sorte que oui, en 6 films, il ne me parlait pas de la manière à laquelle on s'attend qu'un metteur en scène parle, un acteur qui, par définition, est la plupart du temps erroné d'ailleurs. Le dialogue entre un metteur en scène, oui, le dialogue entre un metteur en scène et un acteur ou une actrice, il y a une forme de langage qui s'élabore et qui n'est pas forcément question-réponse ou indication, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et c'est certainement pas comme ça que ça se passait avec Chabrol. Et il y avait d'autres formes d'informations qui pouvaient arriver, plutôt en amont, plutôt au moment où le film s'élaborait, mais au moment de la fabrication du film lui-même, oui, il disait particulièrement peu de choses, de sorte que la seule fois, c'était au début de Violette Nozière, où tout d'un coup, enfin à la fin du film, il m'a dit une phrase, une indication assez précise et qui consistait peut-être à modifier ce que je venais de faire, en quelque mm-hmm. sorte. Et alors, ça, je me souviens encore, comme si c'était hier, le sentiment de panique que ça m'a provoqué. J'ai mon cœur qui a commencé à se battre. je me suis sentie remis en cause, coupable. Ça m'a complètement fait perdre mes moyens. Et là, c'est la seule fois. Et il m'a plus jamais. Enfin, je lui en ai d'ailleurs pas fait part. J'ai digéré ce malaise passager moi-même. Mais après, il m'a pratiquement plus jamais redonné aucune indication. Ce qui en dit long aussi sur beaucoup de choses au fond, parce que je me disais toujours que à l'intérieur de son système à lui, en tout cas, d'une prise à l'autre, que je prends un exemple un peu concret pour illustrer mon propos, que par exemple je joue une situation au fond un peu plus légère ou un peu plus grave, enfin vous voyez, ce genre de nuance-là, au fond n'a strictement aucune importance. Voilà, c'était dans un système qui fait que il n'y avait pas d'obligation finalement. Voilà, c'était l'humeur du moment qui prévalait surtout à l'intérieur évidemment d'un cadre tellement précis qui était à la fois le cadre de l'histoire, le cadre de sa mise en scène, parce que voilà, il n'y a que ça qui vaille au cinéma finalement. Ouais. Le cadre, la forme, c'est la forme qui va fabriquer les sensations, les sentiments et ce que le spectateur va ressentir. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Claude Chabrol ? Oui, mais alors nos avis différaient sur la question. Moi, j'avais l'impression que la première fois que nous nous étions vus physiquement, c'était dans un aéroport, je ne sais pas pourquoi. Et lui avait une autre version. Eh bien, figurez-vous qu'il dit la même chose, vous voulez l'écouter ? C'est ça alors. Ah bon, je sais. Oui, ah oui, avec plaisir. Voilà, voici. Avant de la voir dans l'antelière, je l'ai vue à l'aéroport d'Orly. Et elle était épatante. Ça me travaillait la tête et je me suis dit, je vois la dentelière où je la trouve absolument magnifique et on était en train de travailler sur Violette Nozière et je me suis dit, faut absolument que ce soit elle qui joue Violette Nozière. Et alors là-dessus, j'ai appris qu'elle-même avait envie d'interpréter Violette Nozière. C'est-à-dire qu'on s'était rencontrés comme ça. Mais je ne me rendais pas compte à quel point elle m'était indispensable pour exprimer, en tout cas, certains personnages féminins que j'avais en tête et que je croyais appartenir à une réalité féminine. Pour elle, c'est un peu embêtant parce que il m'est très difficile de la voir autrement. Alors, je peux varier à l'infini cette façon de la voir, mais c'est quelqu'un d'complètement exceptionnel. Très, je ne voudrais pas être méchant, mais très au-dessus de ses concurrents immédiats. Bon, ouais, c'est Claude Chabrol qui le dit. Dans une archive du 10 août 2002, la phrase qu'on peut retenir de cette archive, les citer en début d'émission, elle est incroyable. Chabrol dit de vous, elle m'est indispensable pour exprimer certains personnages féminins que j'ai en tête. Comme si quand il vous voyait vous, bah, c'est pas vous qui voyez, mais les personnages que vous pouviez jouer. C'est assez dingue. Oui. Je crois surtout que je correspondais ou que j'ai su répondre à une attente de lui qui consiste au fond à pas attendre grand chose de ses personnages, justement, en tous les cas, rien de performatif, tant sur le plan du jeu que sur le plan des sentiments exprimés, voilà, rien que de tout à fait ordinaire, évidemment, dans des situations qui ne le sont pas tout à fait, dans le cas de la plupart des personnages que j'ai joués avec lui, parce que ça consiste parfois à tuer son père et sa mère ou à commettre des avortements en temps de guerre. Voilà, donc surtout, l'idée qu'on est au niveau de ces personnages et non pas au-dessus, surtout, pas en dessous, mais pas au-dessus, c'est-à-dire de pas les héroïser, de pas en faire des. De pas en faire des personnages, justement, de se débarrasser de cette notion, comme ça, d'une représentation qui serait parfois liée au cinéma, liée certainement à une certaine époque du cinéma aussi, où, d'une part, la frontière entre le bien et le mal était beaucoup plus définie, et puis, d'autre part, on attendait des personnages, oui, qui soient plus des héros ou des gens de soi-disant auxquels on pourrait s'identifier. Et en tous les, pour ce qui concerne le bien et le mal, c'est évidemment aussi un thème majeur dans l'œuvre de Chabrol. Il s'est penché toute sa vie sur comment la racine du mal surgit dans les destinées humaines. Et vous, ce qui vous donne envie à ce moment-là de tourner avec lui, est-ce justement par les thèmes qu'il aborde dans ses films, ou est-ce que c'est d'abord parce que vous voulez travailler avec lui, metteur en scène, Claude Chabrol? Comment ça fonctionne pour vous? Oh, je vais être très sincère avec vous. Quand j'ai rencontré Claude Chabrol, je connaissais pas si bien son cinéma que ça. Je n'étais pas une grande cinéphile, donc j'avais pas une connaissance assez approfondie du cinéma de Claude Chabrol pour me dire que j'avais envie, voilà, de tout d'un coup de faire partie de cette de ces paysages-là. Pas du tout. Je l'ai rencontré, et je l'ai rencontré. C'est tout. Et ça a été une coïncidence extraordinaire. Mais j'avais pas du tout de réflexion a priori sur ce que Claude Chabrol, metteur en scène, allait pouvoir m'apporter. Oui, j'avais vu, évidemment, j'avais vu certains. J'avais peu vu les films de la toute première période. J'avais plutôt vu Que la bête meurt, Le Boucher, tous ces très très grands films de cette période-là avec Stéphane Audran, mais sans du tout faire un lien avec ce que moi je pouvais lui apporter comme actrice et ce que lui pouvait m'apporter comme metteur en scène. Je l'ignorais complètement quand j'ai commencé à travailler avec lui. Et ensuite, à mesure que vous avez multiplié les collaborations, ce lien s'est tissé, s'est noué, et c'est là où peut-être l'envie de travailler avec lui comme l'intérêt pour ces scénarios ont pu se mêler. Oui, il a mis du temps à se tisser parce qu'il y a 10 ans se sont passés entre Violette Moutière et Une affaire de femme, et à partir de là, nous avons tourné ensemble plus régulièrement. C'était surtout la promesse aussi que quelque chose de, à chaque fois très différent, allait arriver, parce que dans cette collaboration, il y a une très grande variété. C'est surtout ça aussi que je retiens, des films plus historiques, des films plus politiques, comme par exemple La Cérémonie, dont il aimait s'amuser à dire que c'était son premier film marxiste, ou des comédies comme Rien ne va plus, mm-hmm. ou des films tirés de la littérature comme Madame Bovary. Donc voilà, c'était la promesse de quelque chose de tout le temps nouveau. Et puis il y avait une entente, il y avait quelque chose de très simple aussi, c'est ça qu'on aimait au fond renouveler à chaque fois. Voilà, c'était ça se passait bien, tout simplement. C'était simple, on se posait pas de questions. Ça, c'est tellement précieux, vous savez, dans un travail entre un metteur en scène et un acteur. Ça paraît un peu succinct de résumer ça à ça et de ramener ça à ça, mais c'est au fond c'est essentiel, parce que c'est dans cette simplicité, parce que cette simplicité, elle suppose évidemment, encore une fois, comme je le disais au début, une immense confiance. Donc de la confiance naît la croyance, et au fond, c'est le terreau essentiel pour que les choses les plus extraordinaires, les plus inattendues adviennent. En 1978, sort sur les écrans le film Violette Nozière. Voilà comment Chabrol présente le film. Isabelle Huppert est la fille de Stéphane Audran et peut-être de Jean Carmet. Et elle tue. Ça m'étonne pas de lui. Pourquoi on ne citait pas mon nom? Elle tue Carmet juste avant le début du film. Et. On le voit quand même. Elle endort sa mère pour rester seule sur l'écran. Il n'y a pas de quoi rire. Non, ce qui est fascinant dans le cas de Violette, c'est que plus on essaie de l'expliquer, plus c'est compliqué. Je m'aperçois maintenant que cette espèce de recherche de la compréhension de Violette passe par des choses qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à comprendre. C'est-à-dire que c'est un film où, je pense, à la fin du film, on comprendra peut-être mieux qu'il ne faut pas chercher à juger les gens. Le verdict ! La Cour, après en avoir délibéré, ordonne qu'elle soit conduite pieds nus, revêtue d'un voile noir, sur une place publique de Paris, pour y avoir la tête tranchée. J'aurais dû ma chaîne. Où est la chaîne? J'avais une chaîne. Violette. Il faut absolument que je la retrouve. Violette. Je demande pardon à tout le monde et je remercie mon défenseur. C'est votre pourvoi en cassation, signez-le. Violette, vous avez été condamnée. Vous me dégoûtez. Vous êtes tous des salauds. Vous êtes pitoyables. Je vous maudis tous autant que vous êtes. Garde, emmenez la condamnée. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On philosophe avec Claude Chabrol cette semaine, aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Huppert. Et vous venez d'entendre un extrait de Violette Nozière, film donc sorti en 1978, qui relate l'histoire de Violette Nozière qui, le 12 octobre 1934, après avoir tué son père, qu'elle accuse de l'avoir régulièrement violé et empoisonné sa mère, est condamnée à mort. Elle sera graciée et libérée le 29 août 1945. Quant à vous, Isabelle Huppert, cette interprétation, vous aviez alors 25 ans, vous vaudra de recevoir le prix d'interprétation au Festival de Cannes. 23. 23 ans ? Oui. Oui, c'est ça, c'est moi qui m'a calculé, pardon. Et oui. Donc, c'est ce film-là qui vous fait connaître au grand public. Du grand public. Oui, il y avait déjà eu La Dentelière, hein, ouais. Avant, qui avait été assez déjà, enfin, qui s'était fait aussi un peu connaître à travers moi, cette jeune dentelière. Et puis voilà, est venue Violette Nozière, dont j'avais coutume de dire que c'était la dentelière qui sortait de l'hôpital pour tuer son père et sa mère. Il y avait, comme j'ai tourné les deux films à peu de mois d'intervalle, il y avait un lien qui était moi, mais un lien qui m'apparaissait assez évident finalement entre les deux personnages, et y compris d'ailleurs dans une sorte de d'absence de la plupart du temps, que ce soit dans La Dentelière ou dans Violette, une sorte de oui de quelque chose de blanc, et puis une absence de réactivité devant des événements dont généralement on pense qu'on devrait devant lesquels on pense qu'on devrait réagir. C'est ce qui caractérise de l'atmosphère en tous les cas. C'est ce qui fait dire à Claude Chabrol qu'il y a quelque chose d'incompréhensible, mais c'est elle qui le dit elle-même d'ailleurs, dit que Violette Nozière disait il n'y a rien à comprendre. Ouais. De ce côté-là, elle était assez lucide sur elle-même, il n'y a rien à comprendre. Et c'est aussi ce qu'on se dit quand on ouvre le journal, enfin, j'espère pas tous les matins, mais la plupart du temps, et qu'on voit certains faits divers, on a du mal à comprendre justement. En tous les cas, faut comprendre autrement que ce par quoi on est habitué à comprendre les choses. Certainement. Mais n'est-ce pas ce que vous dites aussi de votre manière d'interpréter un personnage ? Il faut pas chercher à les comprendre, il faut pas chercher à les juger, dit Chabrol, mais non plus à les comprendre. Bah oui, enfin il faut les juger, non, ça certainement pas. Les comprendre un petit peu quand même, enfin les comprendre car rien à comprendre dans tous les cas. Ouais. C'est une manière de comprendre quelque chose, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'il y a rien à comprendre qu'il y a rien à jouer en même temps. Il y a plein de choses qu'on peut transmettre sans véritablement tenter de faire comprendre. Comment faire comprendre l'incompréhensible ? Oui. De toute façon, mais le cinéma est un matériau assez idéal aussi pour montrer à la fois la partie immergée de l'iceberg et puis la partie la partie évidente, visible, et puis le cinéma, c'est quand même aussi l'art du hors-champ, c'est à la fois ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, c'est tout ça. C'est l'art du silence, c'est l'art de l'ambiguïté, c'est l'art de la nuance, donc c'est idéal pour parler de ce genre de conduite et de trajet de vie. Il n'y a pas mieux que le cinéma, justement, pour restituer cette chose à la fois impalpable, insondable, mais à la travers laquelle on peut transmettre du ressenti. Mmh. Mais ressentir, c'est pas comprendre. C'est comprendre autrement, c'est peut-être comprendre les questions qu'on peut se poser, c'est déjà beaucoup, c'est faire surgir des questions dans l'esprit du spectateur, sans forcément apporter des réponses. Mais les questions, c'est on fait plus voyager l'esprit et les gens finalement en leur posant des questions qu'en leur apportant des réponses, parce que c'est des territoires inconnus comme qui se profilent sans forcément les visiter tous, mais en tous les cas voilà, on pressent passer l'inconscient, tout simplement. L'inconscient aussi, oui. Bah, le cinéma, il est né à peu près à la même époque que la psychanalyse, non? Oui. J'ai l'impression. Et voilà, c'est le matériau idéal pour aller dans ce genre de zone de un peu flou, un peu au fond là. La musique s'y aventurait, la littérature aussi, mais c'est, l'image, c'est difficile de traduire ce genre de sensation après l'image, et le cinéma le fait. Et l'actrice que vous êtes, quand on est actrice, justement, pour soulever ces questions-là, ça passe par le corps, par l'intonation, ça passe par, c'est pas vraiment des personnages que vous essayez de jouer, au fond. C'est d'être quelqu'un, non? Oui, c'est des personnes, oui. Ouais. J'ai souvent et longtemps et depuis toujours fait la distinction entre personnage et personne. J'ai toujours un peu répugné, hésité à dire que je jouais des personnages parce que le personnage, ça me paraissait toujours justement une construction un peu limitée, un peu fermée, sans trou d'air finalement. Quelque chose, voilà, de délimité. C'est un personnage, c'est que ça m'apparaît comme un croquis sur une page blanche, et puis pas de moyen ni d'y entrer ni d'en sortir, alors que la personne me paraît beaucoup plus ventilée finalement. On peut, voilà, et c'est d'ailleurs pour ça, je reviens un petit peu à ce que je disais précédemment par rapport à la direction d'acteur de Claude Chabrol, c'est pour ça que ça permet justement une plus de variation, plus de liberté, plus moins de contraintes à se soumettre comme ça à une couleur en particulier. Ça permet, c'est beaucoup plus vaste, une personne beaucoup plus plus c'est vaste, plus on est libre. Et vous diriez que Chabrol dirigeait des personnes plus que des personnages? Ah oui, de toute façon, oui. Ça, les metteurs en scène dignes de ce nom dirigent plus, de toute façon plus des personnes, dans le sens que c'est ce qu'aussi disait Claude Chabrol au début, quand il parlait de cette glaise. Où je suis oui, oui. Une métaphore avec la sculpture, ce qui est d'ailleurs tout à fait juste. Hein, le jeu d'acteur, ça a beaucoup, beaucoup à voir avec la... Avec la sculpture, oui, comme ce qu'il disait, comme ça on a une matière qu'on fabrique comme ça à partir de soi. Et je sais plus ce que j'ai perdu. Et donc il crée des personnes plus que des personnages avec cette glace, c'est ça que vous vouliez dire? Oui, bien sûr, à partir de ce qu'on est. Oui, je disais, oui, encore faut-il tomber sur la personne, voilà, qui s'intéresse un tout petit peu justement à ce qu'on est, parce que ça suppose, au fond, voilà, une grande tolérance à la personne qu'ils ont en face d'eux. Si le metteur en scène arrive avec une idée très arrêtée et très, très préconçue, alors évidemment que l'acteur se trouve très entravé. Et Claude Chabrol, au fond, il tournait autour de moi, il n'était pas... C'était 360 degrés, c'était pas... Je l'apprends comme ça d'un angle ou d'un autre, mais c'était la totalité de... Mais c'était pas d'ailleurs uniquement avec moi qu'il le faisait, c'est ce qu'il attendait d'un acteur. C'est ce qu'il voulait. Je vous salue, Marie. Pleine de merde. Le fruit de vos entrailles est pourri. Je me suis aperçue en travaillant que les impressions très vives étaient produites par certains mouvements, certaines actions intérieures sur lesquelles mon attention s'était fixée depuis longtemps. Ce sont des mouvements indéfinissables, qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience. Ils sont à l'origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver et qu'il est possible de définir. Ils me paraissaient et me paraissent encore constituer la source secrète de notre existence. Leur déploiement constitue de véritables drames qui se dissimulent derrière les conversations les plus banales, les gestes les plus quotidiens. Il débouche à tout moment sur ces apparences qui à la fois les masquent et les révèlent. Rien ne pouvait en distraire mon attention, ni les caractères des personnages, ni l'intrigue romanesque à la faveur de laquelle d'ordinaire ces caractères se développent, ni les sentiments connus et nommés. À ces mouvements qui existent chez tout le monde et peuvent à tout moment se déployer chez n'importe qui, des personnages anonymes, à peine visibles, devaient servir de simple support. Tu trouves? Allez-y donc, qui vous empêche? C'est à côté, pas loin d'ici. Ça porte un nom, oui, si l'on pêche, vous y pêcherez aussi. Tu sais, Rachel, un jour je serai chanteuse sur une scène de théâtre. Et ça, si vous le sais. Ce qu'il disait Isabelle Huppert donc dans le film Une affaire de femme, 10 ans après Violette Nozière en 1988, en écho au texte que j'ai lu et que vous avez peut-être reconnu, Isabelle Huppert. Oui, c'est le texte magnifique de Nathalie Sarraute. Oui. Nathalie Sarraute, elle dit beaucoup mieux ce que j'essayais de vous dire tout de suite avant. Voilà. C'est un texte qu'on devrait donner dans tous les cours d'art dramatique. L'ère du soupçon, hein. C'est la préface ici. Oui, c'est ça. Et c'est magnifique. Voilà. Elle décrit très, très, très bien ces mouvements infinitésimaux, infimes, qui font partie justement de la panoplie du jeu d'acteur. Tout à fait. C'est magnifique. Ces mouvements infimes, les mots qui reviennent, l'insondable, l'indéfinissable, voilà. Et c'est ce qui fait la matière d'une personne. Mais allez-y. Elle, en littérature, et c'est pour ça que moi, quand j'ai lu les premiers livres de Nathalie Sarraute, c'est un peu là que j'ai compris que je préférais la notion de personne au personnage, parce que dans sa littérature, il n'y a pas de personnage, il y a des personnes, elle fait circuler du vivant. Voilà. Donc, tout simplement. Et c'est tout ce qu'on veut, finalement. C'est ça qui vous transporte hors de la réalité, c'est quand on a du vivant et qui vous ramène à soi. Et d'ailleurs, quand on voit un film, il ne s'agit pas uniquement d'être transporté en dehors de la réalité, mais d'être aussi ramené à soi, à ses pensées, à son inconscient, à tout ce qui agite une personne humaine. Et quand j'ai lu ces livres, quand je les ai découverts pour la première fois, et puis après c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé parce que j'avais la chance de la connaître, c'était ça, c'était cette idée que les personnages encore une fois trop définis, c'était au fond, ça avait la rigidité un peu du mensonge. Alors que ce qui est intéressant, c'est d'approcher une forme de vérité, parce qu'elle est plus émouvante, parce qu'elle est plus vivante aussi, tout simplement, sans aller même chercher plus de complications. Et c'est vraiment une notion que je retrouvais dans tous ces livres, cette idée du tout simplement du vivant qui circule. Et ça, c'est quelque chose que instinctivement j'ai toujours appliqué justement dans la manière dont j'envisageais les rôles. Donc il y a toute une série de questions effectivement que je me pose pas du tout par rapport au rôle. Notamment de se dire par exemple je sais pas de rechercher une causalité trop précise à l'enchaînement des choses et des événements dans un film, et être surtout alors au fond dans l'instant présent, parce que le cinéma c'est l'art du vivant et c'est l'art de l'instant aussi. Donc jouer, s'être dans la circulation du vivant, c'est ça, et dans le moment présent aussi, dans le moment présent, faire abstraction de tout et d'être vraiment dans l'intensité du moment. C'est un peu l'instant décisif dont parlait Cartier-Bresson. C'est un peu la même chose. C'est ce moment-là et pas un autre. Vous avez parlé de vérité. C'est difficile d'employer ce terme à ce dont nous sommes en train de parler, parce que de quelle vérité s'agit-il? De celle de la personne, de celle de l'adéquation entre la personne et le personnage, de celle des rapports qui se nouent entre un réalisateur et une actrice? Comment est-ce que vous arrivez à définir cette vérité? Oui, enfin, c'est pas la vérité forcément, une vérité objective du film. Peut-être y a pas de vérité d'ailleurs, parce que Chacun se fait son propre film à partir d'un film où chacun c'est l'interprétation que chacun peut faire d'un film, de tout d'ailleurs, d'une musique, d'une peinture, d'un livre. Chacun mais encore plus un film, oui. Chacun voit midi à sa porte, d'une certaine manière, et se raconte sa propre histoire par rapport à ses. C'est frappant au-delà d'ailleurs des avis qui peuvent diverger, des avis esthétiques qui peuvent diverger sur un film, chacun se raconte l'histoire à sa manière. Et ça, il y a peut-être pas un film unique, il y a un film pour chaque spectateur, comme il y a un spectacle de théâtre pour chaque spectateur aussi. Et ça, Chabrol en parlait très bien, justement, dans sa volonté de ne pas faire des films sur quelque chose, des films à message, mais même quand il fait un film comme Une affaire de femme, dont on a entendu un court extrait, qui met en scène une femme qui aidait illégalement les femmes à avorter pendant l'occupation, c'est pas une manière de dénoncer quelque chose, c'est une manière de montrer. Et le spectateur se trimballe ensuite ce qu'il a vu pendant le restant de ses jours, dans le meilleur des cas. En tout cas, oui, allez-y. Au moins quelque chose dans la plupart des films qui fait qu'il met toujours en relation la conduite individuelle au milieu d'un contexte général, et que évidemment que dans la vision de Claude Chabrol, c'est pas l'individu qui est mauvais, c'est la situation qui est mauvaise. En fait, c'est une vision assez politique des mécanismes de la relation entre l'individu et le monde qui l'entoure. C'est ça qu'au fond qui met en lumière Claude Chabrol. Et ça aussi, ça donne ça affranchit au fond le personnage, enfin, ou la personne que l'acteur a joué, de tout, ça le dégage évidemment de toute fausse moralité qui devrait soumettre son personnage, parce qu'encore une fois, c'est pas lui qui est mauvais, c'est le monde, c'est pas l'avorteuse qui est mauvais, c'est évidemment le monde de la guerre à ce moment-là qui est mauvais autour d'elle. Alors pour Violette Nozière, c'est un peu la même chose. Alors là, c'est un petit peu plus difficile à comprendre, mais au fond, c'est pas. D'ailleurs, tout le parcours de Violette Nozière tendra à donner raison à cette thèse-là, qui finalement, depuis les surréalistes jusqu'à la réhabilitation de Violette Nozière par le général de Gaulle, tente à montrer que finalement, on a considéré que qu'elle avait, comme disaient les surréalistes au début, des faits, l'horrible nœud, je ne sais plus la phrase exacte, je m'en veux de ne pas la restituer tout à fait précisément, mais c'était ça, d'avoir voulu dénouer l'horrible nœud des liens familiaux, enfin quelque chose comme ça, et qui tout d'un coup envisagé comme une servitude insupportable. Ça, c'est une constante dans les films de Chabrol, quand même. Hein. La famille est rarement le lieu d'un épanouissement personnel. Oui, la plupart du temps, oui. En tous les cas, dans tous les films que j'ai faits, parfois, ça peut être, je pense notamment à Merci pour le chocolat. Mmh. Aussi, c'est des rapports particulièrement tendus entre ce mari et cette femme. Après, ça peut être joyeux quand les familles s'inventent elles-mêmes. Je pense par exemple à Rien ne va plus, le film délicieux que j'ai fait avec Michel Serrault, où là, c'est une sorte de famille imaginaire qui a un lien comme ça, à la fois familial, parce que c'est un lien filial entre ces deux personnages, mais c'est une famille qui se sont choisies d'une certaine manière. Oui, ça. On ne sait pas quelle est leur relation vraiment entre cette Betty et ce personnage joué par Michel Serrault, qu'elle appelle parfois papa, mais elle l'appelle papa avec des guillemets. Oui, voilà, on sait pas. Bon, on se doute bien qu'ils sont. Enfin, on se doute bien. Non, justement, on pense qu'ils sont pas père et fille, mais à un moment donné, on en doute. Voilà. Mais ça, Claude Chabrol, il aime toujours jouer avec ça, avec la vérité, le mensonge, les masques, ce qu'on cache, ce qu'on ne dit pas. Ça court tout au long de ces films. L'idéal cinématographique de Claude Chabrol. Que j'ai revu. Allez-y. Pendant le confinement, j'ai revu un film que j'avais. Que j'ai découvert un film de Claude Chabrol que je ne connaissais pas du tout, qui est très très bien, qui est La ligne de démarcation, je crois. Mmh. C'est ça. Et bien là aussi, on est au cœur du mensonge, ce qui est d'ailleurs le titre d'un de ses autres films. Au cœur du mensonge et du mensonge obligé, parce que c'est un film sur la résistance. Donc, voilà, c'est des thèmes, quels que soient les contextes dans lesquels il les a raconter. C'est des thèmes qu'il a toujours privilégiés. L'idéal au cinéma de Claude Chabrol est un idéal qu'on pourrait qualifier de flaubertien. C'est comme Gustave Flaubert qui disait vouloir ne pas être visible dans son œuvre. Chabrol voulait faire la même chose au cinéma. Il le dit à un moment qu'il s'est rendu compte que ça faisait 20 ans qu'il voulait faire Madame Bovary et qu'il avait en vous, donc devant ses yeux, la Bovary idéale. Elle m'en a parlé, elle m'a dit « Oh, j'aimerais bien faire Madame Bovary, c'est une imbécilité, on ne fait pas un chef-d'œuvre, ça. » Et puis, en réfléchissant un peu, je me suis dit « Après tout, pourquoi pas, j'en ai envie, elle en a envie, on en a tous envie. » Et je me suis aperçu qu'elle ne l'avait pas lu, qu'elle l'a lu, et je lui ai dit « Ben oui, d'accord, on va faire Madame Bovary. » Et là-dessus, elle s'est précipitée dessus, avec la conscience que je lui connais, elle a dû lire 25 essais sur Madame Bovary, plus le petit livre « État des essais sur Madame Bovary », et ainsi de suite. Mmh. Bon, je lui avais parlé de Madame Bovary, ça passait. Ça a été une... Madame Bovary m'a suivi toute la vie. Je me suis dépucelé avec Madame Bovary, pour dire la vérité. Ah oui. La première fille que j'ai connue, c'est pendant la guerre en Creuse, j'étais très précoce, j'étais jeune, j'avais pas tout à fait 13 ans. Mmh. Et je disais Madame Bovary, et je me suis aperçu que j'étais extrêmement pressé de rentrer chez moi pour continuer. Madame Bovary, c'était affreux. C'est une sensation très bizarre. Mais ah bon. J'ai sans doute sacrifié son plaisir, sinon le mien, pour retourner vers Madame Bovary. Tiens, c'est vous. Oui, c'est moi. Rodolphe, je voudrais vous demander un conseil. Vous ne devez pas changer. Vous êtes toujours charmante. Oh, ce sont de bien tristes charmes, mon ami, puisque vous les avez dédaignés. Non, Emma, j'ai la certitude d'avoir bien agi. Je ne pouvais pas vous entraîner comme ça. Je n'en avais pas le droit. N'importe. J'ai bien souffert. Moi aussi, Emma, j'ai souffert. L'existence est ainsi. A-t-elle au moins été bonne pour vous depuis notre séparation? Oh, ni bonne ni mauvaise. Il aurait peut-être mieux valu ne jamais nous quitter. Oui, peut-être. Tu crois? Oh, Rodolphe, si tu savais, je t'ai tant aimé. Comment pouvais-je vivre sans toi? On ne peut pas se déshabituer du bonheur. J'étais désespérée, j'ai cru mourir. Je te raconterai. Et toi, tu m'as fui. Tu en aimes d'autres, avoue-le. Oh, je les comprends. Tu les as séduites comme tu m'as séduite. Tu es un homme. Tu sais comment te faire chérir. Mais nous recommencerons, n'est-ce pas? Nous nous aimerons. Tiens, je ris. Je suis heureuse. Mais parle donc. Tu as pleuré. Pourquoi? Je suis ruinée, Rodolphe. J'ai besoin de 3000 francs. Mon mari avait placé toute sa fortune chez un notaire qui s'est enfui. Nous avons emprunté, nos clients ne payaient pas. Et aujourd'hui, si je ne trouve pas 3000 francs, on va nous saisir. C'est à présent, à l'instant même. Et en comptant sur ton amitié, je suis venue te voir. Mais je ne les ai pas, chère madame. Madame Bovary correspond au rêve d'œuvre d'art de Claude Chabrol. Il propose ici une adaptation fidèle de l'œuvre de Flaubert qui écrit comme s'il était doté d'un œil caméra au fond. Il a intégré les conditions de la mise en scène du texte de Flaubert dans son film. En tout cas, c'est ce que disait Chabrol. Est-ce que selon vous, Isabelle Huppert, cet idéal flaubertien, il l'atteint dans ce film? C'est sûr qu'en tout cas, quand on lit Flaubert, on se dit qu'il y a une proximité entre le monde de Flaubert et le monde de Claude Chabrol. Ce mélange génial aussi chez Flaubert, à la fois de tragique et souvent de drôlerie. Mais il invente un personnage avec Madame Bovary qui, au fond, c'est un peu comme une actrice, Madame Bovary. Elle s'invente une vie dans son petit village de Normandie jusqu'au drame. Mais... Et ça donne lieu à des situations tragicomiques la plupart du temps. Et Chabrol, il saisit évidemment merveilleusement ça dans son cinéma. Et puis, une manière comme ça aussi très, très simple de décrire les situations. Avec tout d'un coup l'irruption d'un mot, alors qu'il serait l'équivalent dans le cinéma de Claude Chabrol, oui, bah, d'un détail qui fait sourire ou qui déséquilibre toute la toute la machine, encore une fois, on croit qu'on est dans du tragique, et puis tout d'un coup, on est dans du comique, et vice-versa. Cette espèce de déséquilibre comme ça, dans lequel il peut amener le spectateur, et qu'on retrouve en lisant, en tous les cas, je trouve ce livre-là de Flaubert. Donc, s'il y en avait un qui était... Après, tout le monde, évidemment, peut non pas s'approprier, mais s'aventurer sur la difficulté hein, qui consiste à adapter un chef-d'œuvre. Il avait raison, Claude Chabrol, de dire on ne touche pas un chef-d'œuvre. On dit souvent que les plus grands livres ne font pas forcément les plus grands films, et que c'est très, très difficile. Mais peut-être de tous, au fond, par rapport à d'autres, en tous les cas, peut-être pas de tous, mais par rapport à certains autres, Flaubert est peut-être plus apte à, justement... parce qu'il y a quelque chose de plus... Comment dirais-je, de moins précis aussi, peut-être, en tous les cas, encore une fois, dans ce livre de Flaubert, même le personnage de Madame Bovary, par exemple, bon, communément, on pense qu'elle est brune, enfin, on se fait une certaine image, comme ça, du physique de Madame Bovary, et en fait, elle est jamais décrite précisément dans le livre. Et d'ailleurs, peut-être parce que Flaubert, dans le livre, présente plus un concept véritablement qu'un personnage, un concept qui a donné lieu, d'ailleurs, à ça s'appelle le bovarisme, quoi. Mmh. C'est pour décrire l'envie d'une femme. Mais au fond, les personnages sont moins décrits et moins précis qu'on ne pense. Et ça, c'est plus propice justement à l'adaptation, à s'emparer comme ça de toutes ces informations qu'on a autour de situations et de personnages, mais qui sont pas si précis que ça. Voilà, il y avait quelque chose d'assez légitime finalement à ce que Chabrol s'empare de ce, se confronte à ce monument. Et puis aussi avec une autre raison, la force des grandes œuvres aussi, c'est de pouvoir être peut-être relu différemment au cours des décennies. Et au fond, le tragique de Madame Bovary, c'est que Flaubert, il pressent des combats à venir, hein, le féminisme tout simplement. Alors peut-être que le livre et la manière dont le personnage est décrit autorise à s'en emparer d'une manière avec les éléments qu'on connaît maintenant sur le rêve d'une femme qui veut s'affranchir de sa condition, qui veut s'affranchir de la pauvreté de son existence, du joug des relations avec les hommes autour d'elle. Voilà, et on peut peut-être lui donner... peut-être ce qui était tenté dans le film, de lui donner voilà, encore plus de liberté, de ressembler encore plus à ce qu'elle aurait rêvé d'être plutôt qu'à ce qu'elle, à ce qu'elle est. Oui, et en même temps, quel défi. Parce que justement, comme vous le dites très justement dans Madame Bovary, il n'y a pas de description, le lecteur y met ce qu'il veut. Et quand on incarne Madame Bovary au cinéma, on lui donne un visage, on lui donne des traits, on l'affiche quelque part. Le moins possible, justement. Ça passe par le jeu, alors. Oui. Ben oui, et puis ce jeu, justement, ces incertitudes dont nous parlions au début, à l'œuvre dans d'autres films qu'on a pu faire ensemble avec Claude Chabrol, ça s'appliquait particulièrement bien à Madame Bovary, justement. Et peut-être pour la faire à la fois, encore une fois, parce que une chose que m'avait dit. Claude, par rapport à Madame Bovary, me dit « Madame Bovary, c'est pas qu'elle a un complexe d'infériorité, c'est qu'elle a un complexe de supériorité. » Ce que je trouvais assez drôle. Au fond, c'est, encore une fois, c'est lui ce qui retenait, c'est pas tellement le personnage fragile, c'était cette excroissance d'elle-même qu'elle rêvait comme une femme toute puissante, finalement. Et c'est ça dont elle meurt. Le mal, c'est que je détourne le bien. Plus c'est violent en moi, plus ça se manifeste en bien. Je donne, mais je peux jamais demander. Je n'ai même pas demandé à vivre. Mais Mika, tu es comme tout le monde, la vie tu l'as reçue. C'est comme ça, tu ne peux pas le contester. Je comprends pas. D'ailleurs, je ne te comprends pas quand tu parles. Moi, je sais ce que je suis, je ne suis rien. Qu'est-ce que tu leur as fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu leur as fait? Guillaume, est-ce que j'ai de plus cher au monde, tu le sais, ça? Tu devrais lui dire. Il est comme moi, Guillaume. Il ne semble pas comme toi. J'ai jamais eu une mère qui pensait que j'étais un génie. Moi, je suis une pièce rapportée. Annika, c'est pas à quel point tu m'as aidé. C'est grâce à toi si j'ai... Moi, oui, je sais, j'aide tout le monde. Lisbeth aussi, je l'ai aidée. Tu l'aimais pourtant, Lisbeth. Tu l'adorais. Mais je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait. J'ai juste mis du rohypnol dans son cognac. Mais pourquoi tu fais ça? Tu l'aimais? Oh, ça change rien, ça. Moi, à la place d'aimer, je dis je t'aime. Et on me croit. J'ai une vraie puissance dans ma tête. Je calcule tout. À la place d'aimer, je dis je t'aime et on me croit. C'est un extrait de Merci pour le chocolat, le film qui paraît en 2000. Et alors, pour rebondir sur ce que nous sommes en train de dire, Isabelle Huppert, depuis le début de cette émission, d'ailleurs, comment jouer la personne derrière le personnage dans une forme, non pas d'ambiguïté, mais d'opacité morale. Les personnages, y compris quand ils sont criminels, et c'est le cas ici, ne sont jamais complètement mauvais. Bah, dans l'extrait, on l'entend. Ce que vous faites, c'est aussi un travail sur la voix, non? Cette voix neutre, cette voix blanche. Oui, j'ai tout à fait instinctivement, quand j'ai commencé à jouer ce film, Merci pour le chocolat, qui est une autre forme de Madame Bovary aussi, d'une certaine manière, une sorte de cousine contemporaine de Madame Bovary. Tout de suite, sans du tout que j'y pense, dès les premières scènes, j'ai mis en place cette voix. Je ne sais pas comment c'est venu. Peut-être aussi parce que donc le thème de Merci pour le chocolat, ça serait une Madame Bovary qui au lieu de s'affranchir d'une existence, la problématique de Madame Bovary, elle c'est surtout sa vie sentimentale. L'héroïne de Merci pour le chocolat, c'est quelqu'un qui n'a pas accès. Son combat, c'est la création. Voilà, c'est quelqu'un qui veut être dans le monde de l'élaboration, et qui n'est que dans un monde terre à terre. Elle dirige une usine où c'est une femme d'affaires. Elle n'a pas accès à cette transformation que pourrait lui donner une réalisation artistique comme l'a son mari. Son mari est pianiste. Alors peut-être parce que ça tourne aussi beaucoup autour de la musique. Que instinctivement, je sais pas, ça a commencé par la voix. Parce que après, sur un personnage, il y a tout qui s'en mêle, si je puis dire. La démarche, c'est pas qu'un visage, c'est pas qu'une voix, c'est le corps aussi. Il y a quelque chose qui est ce personnage. Je sais pas tout à fait comment l'expliquer, mais instinctivement, on met en place, une manière de parler, une manière de se mouvoir, une manière de bouger, de marcher. Et là, c'était la voix sur Merci pour le chocolat. Et en écoutant l'extrait, je me disais c'est aussi que finalement Claude Chabrol était vraiment un grand metteur en scène féministe toute sa vie. Il s'est intéressé à ces figures de femmes, des figures réprimées, des figures qui s'en sortent comme elles peuvent, alors la plupart du temps par des moyens peu recommandables, mais jusqu'où justement où peut mener la répression, le sentiment d'abandon, le sentiment de pas réaliser sa vie comme on l'entend. Il s'est penché au fond sur ces quatre femmes avec beaucoup d'attention. Comme un entomologiste essayant de comprendre quelque chose. Et dans le cas de Merci pour le chocolat, alors là on atteint un sommet justement sur l'insondable, cette frustration, mais qui n'est jamais non plus explicité ou raconté. C'est pas quelqu'un qui dit j'aurais voulu être pianiste, mais on sent bien qu'il y a quelque chose. Le monde est séparée en deux, et elle ne fait pas partie, elle n'a pas accès à ce monde-là qui résout beaucoup de choses. Elle n'y a pas droit. Et elle, d'une certaine manière, elle en devient folle et meurtrière. Et elle n'a pas accès à aucune vérité sur elle-même. On va entendre un dernier extrait de Claude Chabrol. Vous disiez cinéaste féministe, lui-même donnait une certaine cohérence à l'évolution de ces personnages féminins dans son cinéma, et notamment ceux que vous avez interprétés. Au sujet des personnages d'Isabelle, disons que je suis l'évolution de la féminisation de la société. Au départ, elle cherche à se délivrer presque par des révolutions, en tout cas par des crimes s'il le faut. Enfin, si on suit l'ordre chronologique, elle commence à... Elle vole un peu pour s'assurer une espèce d'aisance. Et puis ensuite, elle domine son monde par tous les moyens possibles et imaginables, c'est le chocolat. Et maintenant, elle en arrive à avoir un pouvoir sur les autres. Mais c'est la progression naturelle de la condition féminine, je trouve. C'est très bien comme ça, j'en suis personnellement ravi. Et il faut pas avoir peur, justement, de ces femmes assassines. Elles ne sont assassines que lorsqu'on les empêche d'être libres. C'est une magnifique dernière phrase. Il nous reste à peine une minute, Isabelle Huppert. Mais ces femmes assassines ne le sont que parce qu'on les empêche d'être libres. Ça résume peut-être la conception de ces personnages féminins que lui-même a mis en scène à travers son cinéma, non? Oui, oui, complètement, complètement. C'est magnifique. Et il tournait pas autour du mot, hein. Il disait franchement les choses comme il avait envie de les dire. C'est-à-dire qu'il essayait pas de donner d'autres. Il esquivait pas au fond les raisons pour lesquelles il pensait que toutes ces héroïnes féminines en arrivaient là. C'était très clair dans l'esprit de Claude Chabrol. Ouais, il était très lucide sur ce qu'il faisait. C'est sûrement. Merci beaucoup Isabelle Huppert, en tout cas d'en avoir parlé ce matin à ce micro. C'était un plaisir de vous entendre en parler. Et on va se quitter avec une chanson qui est la bande originale de Rien ne va plus. On n'a pas pu entendre d'extrait de Rien ne va plus, mais c'est un de mes préférés. Donc on en reparlera peut-être une autre fois avec plaisir. Ah, c'est bien. Et je donne rendez-vous aux auditeurs ce soir sur France Culture dans l'émission Affaires culturelles d'Arnaud Laporte, puisque Arnaud Laporte recevra Jean-Paul Salomé qui a réalisé La Daronne, d'un film dans lequel vous jouez, Isabelle Huppert, c'est votre actualité. Merci. Ah, merci beaucoup et j'espère à très bientôt. À bientôt. Je veux aller où l'air est plus doux, où la colombe vole en dessous, où le printemps entre un jour comme un fou. Vous saisis au revers, au détour d'un chemin vert, et vous dit ça va pas. Comme ça, changez tout, changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout, changez tout. Je veux aller dans l'après-midi d'un jour où rien est interdit, où le bonheur sans faire de comédie. Changez tout, c'est Michel Jonas qui le dit. Cette chanson se trouve à la fin du film Rien ne va plus de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert et Michel Serrault. Et je vous invite à le regarder, comme tous les autres bien sûr, mais celui-ci a quelque chose en plus, je crois. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Je vous demande encore un peu de pratique. Bonjour cher Aurélien. Bonjour chère Adèle. Votre question aujourd'hui est la suivante, sommes-nous en pleine renaissance ? Alors je ne sais pas d'où est venu ce sentiment général de déclin, mais si je suis parfaitement lucide sur mon ressenti de l'époque, je dirais que j'ai eu la chance de naître dans une des périodes historiques les plus fascinantes et les plus vertigineuses, l'une de celles, comme à la Renaissance, oui, où un nouveau monde prend directement forme sous nos yeux. Cela n'est bien sûr pas venu de nulle part. On a creusé le tunnel circulaire du LHC, on a envoyé Hubble dans l'espace, on a affiné les grands modèles de la physique théorique. Autrement dit, le XXe siècle a fait tout le travail et il était logique que le siècle suivant en tire des bénéfices. Et quels sont ces bénéfices ? Des bénéfices incalculables. Ce n'est pas un continent cette fois que nous avons découvert, mais des univers entiers en nombre infini. L'hypothèse du multivers est passée sous nos yeux blasés d'une solution élégante à certains des problèmes métaphysiques fondamentaux de la physique quantique, à celle d'évidence quasi empiriques, car ce sont bien les arts visuels qui nous ont convaincus de l'existence du multivers, comme il a fallu sans doute l'invention de la perspective pour que Galilée soit enfin pris au sérieux. La Renaissance, on peut la faire commencer, par exemple, dans la chapelle bleue des Scrovegni à Padoue. Là-bas, la vision médiévale du monde au tout début du XIVe siècle atteint, grâce à Giotto, son point d'équilibre entre les fresques bibliques des murs latéraux, le jugement dernier du fond et la voûte étoilée. Et je sais, sans y être même allé où j'ai déjà vu cette chapelle, c'était dans un film de Spielberg des années 80. Nous sommes cette fois dans la chambre d'un adolescent qui est né en juillet 69. Il a l'âge de la conquête de la Lune et sa chambre est pleine de reliques de l'espace. Des maquettes de fusées, des photos de galaxies, une balle extensible, multicolore, l'espace infini rendu accessible à la main d'un enfant. Ici, dans cette chambre qui aurait pu être la mienne, la nôtre, notre chambre idéale, on entend à bas bruit mourir le XXe siècle comme est mort le Moyen-Âge dans la chapelle de Giotto. Car la quête est achevée, le Graal est à nous et la navette Challenger, comme pour nous retenir prisonniers de ce rêve parfait, vient d'éclater dans le ciel. Vous voulez dire que la conquête spatiale aurait quelque chose de mélancolique ? Ben, un nouveau poster apparaît en tout cas à la toute fin du grand siècle de la conquête spatiale, l'image sphérique et rosacée du bruit de fond cosmologique enregistré par le satellite Kobe. Les scientifiques s'exaltent, c'est presque une photographie du Big Bang. Mais ce qu'on ressent plutôt, c'est qu'après les abîmes redoutés par Pascal et mesurés par Newton, l'espace vient de se refermer sur nous comme une chambre d'enfant tapissée du sol au plafond d'images cosmologiques. Le Big Bang n'est plus le point d'origine du temps, s'il est ainsi partout autour de nous. C'est la première fois que l'univers nous paraît minuscule, mais à peine le temps de s'en rendre compte et voilà que tout éclate, que la chambre redevient infinie et cela fait presque 10 ans que l'art ne parle que de ça. Et donc il y aurait bien, comme à la Renaissance, des résonances entre l'art et la cosmologie. Oui, car du multivers de la série Rick et Morty au multiplexage du motif de la chambre d'enfant dans Interstellar, les grandes œuvres d'aujourd'hui racontent comment les univers se sont soudain démultiplié. L'univers plein du Big Bang n'est plus déjà qu'une vague fiction ptoléméenne tardive. Nous habitons le multivers. Même les Avengers finissent sur cette vision qui n'a d'égal que celle qu'a peinte à la fin de la Renaissance le génial Albrecht Haldorfer. Vision d'un monde qui s'entrouvre et qui, entre les mains du Docteur Strange, avoue enfin qu'il n'était qu'une des innombrables facettes du multivers primitif. Merci beaucoup Aurélien. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Baptiste Botella, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valencic et Nicolas Berger ont réalisé pour vous cette semaine, Vincent Schmitt était à la lecture des textes, Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Plusieurs choses à vous dire. D'abord, j'en ai déjà parlé, mais je le dis à nouveau avec plaisir, l'édition du coffret DVD de Claude Chabrol, Suspense au féminin, édité par Carlotta, avec notamment La cérémonie. Merci pour le chocolat, rien ne va plus, autant de films dont on a parlé cette semaine. Ensuite, là aussi j'ai déjà dit, mais je le redis, rendez-vous ce soir à 19h dans l'émission Affaires culturelles où Arnaud Laporte recevra Jean-Paul Salomé pour parler du film La Daronne dans lequel joue Isabelle Huppert qui était mon invitée aujourd'hui. Et enfin, rendez-vous demain, bien sûr, pour la suite et fin de notre série de dissection du réel en compagnie de Claude Chabrol. On se demandera si le réel est une illusion demain en compagnie du philosophe Pierre Kivigère. Ce sera l'occasion d'évoquer Alice ou La Dernière Fugue ainsi que L'Enfer. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.